Où es-tu, Camille? Chapitre 1. L'été indien. Tout le monde connaît cet intervalle de redoux, en automne, grâce à la belle chanson de Joe Dassin. En France, on devrait parler de l'été de la Saint-Martin. Le patron des hôteliers, des cavaliers et des tailleurs célébrait le 11 novembre. Cette année-là, à quelques jours de la commémoration de l'armistice de 1918, dans le nord de la France, la température de la journée s'annonçait clémente. Le soleil inhabituel et bienvenu laissait croire aux anciens que la période entourant la Saint-Martin serait suffisamment chaude pour permettre au vieil adage « l'été de la Saint-Martin dure 3 jours et un brin » de ressurgir. Roland était allongé sur son lit. Il ne dormait pas, mais il se forçait à garder les yeux fermés, espérant ainsi compenser son manque de sommeil quotidien. La vie d'un artisan boulanger n'est pas une sinécure. Roland se levait très tôt le matin, bien avant le soleil. Sa femme, Céline, le rejoignait pour l'ouverture du magasin. Puis, vers 15 heures, il rentrait pour une sieste qui allait, dans le meilleur des cas, lui permettre de passer la soirée avec son épouse et sa petite-fille. Parfois, il parvenait à s'endormir vite, mais la plupart du temps, les tracas quotidiens, les factures, les difficultés financières, les problèmes de couple, bref, tout ce que le commun des mortels devait gérer au long d'une vie l'empêchait de s'abandonner durant les quelques heures de l'après-midi. Roland était encore jeune, mais à 31 ans, il avait maintenant l'habitude de fonctionner ainsi. Au début de sa carrière, il se tournait et se retournait sans cesse, pestant contre ce métier de dingue. À présent, il restait calme, allongé sur le dos, les yeux fermés, dans la quiétude de sa belle maison familiale. Aurélie, la baby-sitter, avait la consigne de faire respecter le silence complet. Mais ce n'était pas bien sorcier. Avec la petite Camille qui venait d'avoir 6 ans et qui était sage comme une image. De temps en temps, Roland jetait un regard vers le réveil matin de la table de nuit pour saisir l'heure affichée en rouge sur l'écran. Cette fois-ci, il lut 18h28. Encore une demi-heure et Céline rentrerait du magasin après avoir effectué la fermeture comme chaque jour. Il referma les yeux paisiblement. À l'extérieur, une légère brise faisait voler quelques feuilles mortes sur la rue déserte, dans la pénombre de la nuit tombante. Les arbres qui longeaient les trottoirs de cette petite résidence assez chic commençaient à jaunir sérieusement. Bientôt, ils se dépouilleraient afin d'offrir un tapis de rouille au triste macadam. Au loin, un cadre revenait de son travail au volant d'une berline allemande, la rentrant lentement dans une belle allée de pierre bleue. On aurait pu se croire hors saison, dans une station balnéaire piquetée de résidences secondaires désertées. Mais nous étions à Arleux, une petite ville de 3000 âmes au sud de Douai, un 5 novembre, un mardi soir. On aurait pu se croire dans un quartier mort, si les ampoules intérieures n'avaient pas diffusé leur clarté au travers des lames des persiennes mal fermées. On aurait pu se croire dans une ville abandonnée, si de nombreux voisins ne s'étaient pas trouvés anormalement sur leurs pas de porte, emmitouflés dans quelques pulls épaulaires, soufflant dans la fraîcheur de la soirée automnale. Une jeune fille, affolée, courait dans la rue, criant et gesticulant. Habituellement, Aurélie restait calme et posée, limite un peu hautaine dans ses manières et son comportement. Elle était très jolie. Elle possédait d'immenses yeux bleus, au fond desquels plus d'un se serait noyé, et une grande bouche aux lèvres pulpeuses à faire se damner un sein. Une longue natte enserrait ses cheveux châtain clair, qu'elle rejetait régulièrement vers l'arrière d'un geste mécanique. Elle poussa violemment le portillon qui claqua contre une pierre avant de se refermer après son passage. Ses yeux avaient perdu de leur arrogance. Ils étaient mouillés de larmes. Sa respiration haletante déformait sa bouche et ses cheveux s'emmêlait sous la brise automnale. L'épine d'un rosier, débordant un peu trop sur l'allée, griffa son genou, arrachant le nylon semi-opaque de ses bas et faisant perler une goutte de sang vermillon sur sa peau parfaite de jeune fille de 20 ans. Aurélie portait toujours la jupe. Elle avait des jambes sublimes et savait les exposer sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle appliquait la même technique pour son décolleté, permettant souvent de deviner sans jamais laisser voir. Mais la panique et la précipitation ne faisaient pas bon ménage avec le flegme et les hauts talons. Roland ne dormait pas quand il entendit les pas pressés de la belle baby-sitter. Céline, sa femme, avait longuement hésité avant de laisser entrer cette bombe à retardement dans sa propre maison. Elle savait que chaque après-midi, son mari serait seul avec elle. Enfin presque, puisqu'il y avait Camille. Et à 6 ans, la petite ne faisait plus la sieste et nécessitait une attention accrue. Roland était un bel homme, encore jeune, svelte, installé et avec un revenu correct. Et que dire d'Aurélie et de son charme slave à couper le souffle. Après une discussion houleuse avec son mari, elle avait cédé. Et l'étudiante avait eu le job. Céline était-elle rassurée pour autant? Pas vraiment. Et ces derniers mois, la dégradation de sa relation de couple ne faisait rien pour arranger les choses. Mais elle avait eu beau chercher, tenter de déceler l'odeur immanquable du parfum de l'intruse sur les oreillers de ses chambres, des traces de maquillage sur les vêtements de son homme, un petit bout de papier chiffonné au fond d'une poche de jean, elle n'avait rien trouvé. Force était de constater pour elle qu'il ne se passait rien entre ces deux-là, du moins en apparence. Roland se redressa en entendant les coups martelés sur sa porte. Aurélie l'appelait, à bout de souffle. « Monsieur Coudert, réveillez-vous, c'est terrible, Camille a disparu !»